Chapitre 8, titré par Bossuet, conclusion de tout le discours précédent, où l'on montre qu'il faut tout rapporter à une providence.